est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Non seulement il y avait un faux tableau, mais il y avait des clous d'époque, des machins, du papier craft cassé, vieilli aussi. On vieillissait tout. Je faisais ça à l'époque avec un encadreur qui est mort maintenant. Mais il me disait, alors je te fais des perlimpinpins. Je lui laissais 10 pour le matin, comme le soir. Il est encadré, vieilli, avec des vieux craft, tout, tout. Même la poussière derrière la glace. Sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le sujet dont nous allons traiter ce matin est riche de multiples facettes, entre le pittoresque de joyeuses escroqueries et de graves réflexions quasiment métaphysiques sur le réel et sur le rêve. Rien de moins que le commerce compliqué qu'entretiennent sous le regard des hommes le véridique et l'illusoire, le raisonnable et le dévergondé. Nous allons parler aujourd'hui des faussaires, oui des faussaires, à travers les âges. L'actualité fait surgir régulièrement au devant de la scène ces personnages hauts en couleur qui parviennent à abuser plus ou moins longtemps les compétences les plus installées, les augures les plus graves. Des personnages que l'opinion publique considère souvent, je ne parle pas de ceux qu'ils grugent, considère souvent avec une indulgence amusée et à qui les juges eux-mêmes épargnent souvent leur sévérité. Vous vous rappelez sûrement qu'Arsène Lupin, dans son refuge de l'aiguille creuse d'Étretat, possédait la véritable Joconde, après en avoir laissé une copie, à l'insu de tous, au musée du Louvre. Un Arsène Lupin qui prend la figure de parrain de tous ceux qui ont, à travers les âges, joué avec la vérité des œuvres et des documents, en déployant un talent qui va parfois, je l'avoue à mi-voix, jusqu'à forcer l'admiration. Mon invitée, Charlotte Guichard, directrice de recherche au CNRS et professeure à l'École normale supérieure, s'interroge dans un beau livre récent sur la signature des peintres, sur la portée de leurs griffes authentiques, ou falsifié. Et voilà un bon angle d'attaque pour aborder la question que je vous propose de considérer. La crédulité, parce qu'elle ne connaît guère de limites, parle de beaucoup de choses. Elle renseigne, par-delà l'anecdotique, sur les équilibres et les déséquilibres des représentations collectives, en termes artistiques certes, mais tout autant sociaux, politiques et financiers. Autrement dit, largement. Et pour commencer, eh bien, l'aiguille creuse. Voici ma galerie de tableaux. La Vierge à l'Agnus Dei de Raphaël, la Salomé du Titien, la Vierge des Anges de Botticelli. Tu vois, des Tintoret, des Rembrandt, des Velázquez. Non, des copies. Des copies? Mais tu es fou. Exécutées par des gens à moi, les copies, mon cher, sont à Madrid, Florence, Venise, Munich, Paris, Amsterdam, New York. Mais alors tout ça? Mais ce sont les originaux, pardi. Mais enfin, un jour ou l'autre... Eh ben, la fraude sera découverte. Eh bien, on trouvera ma signature sur chacune des toiles par derrière, et l'on saura que j'ai doté mon pays de chefs-d'œuvre inestimables. Oh, ce bruit, ce que c'est désagréable. Viens, montons. La salle du trésor. Et tout ce que tu as vu jusque-là est à vendre. Des objets s'en vont, d'autres arrivent, c'est le métier. Mais ici, dans ce sanctuaire, tout est sacré. Regarde ces bijoux, Beautrelet, ces amulettes chaldéennes, ces colliers égyptiens, ces bracelets celtiques. Regarde ces statuettes, cette Vénus grecque, cet Apollon de Corinthe et ces Tanagras. Tous les vrais Tanagras sont ici. Voici la chasse d'un Bazac, la véritable. Et te rappelles-tu le scandale du Louvre? La tiare de Saïta Farnès, reconnue fausse, admirablement copiée d'ailleurs par un artiste à moi. Eh bien, la véritable, la voici. Et enfin, le bouquet. Regarde bien, Beautrelet. la merveille des merveilles, l'œuvre suprême. La Joconde de Léonard de Vinci. Tu as devant toi la seule, la vraie. La vraie ? Va au Louvre. Derrière la toile, tu trouveras ma signature. Charlotte Guichard, bonjour. Bonjour. Hommage à Maurice Leblanc. Il m'a semblé que nous trouvions là un certain nombre de composantes de notre sujet, les faux, les faussaires, plutôt sous l'angle de la gaieté, de l'espièglerie quasiment. Oui, c'est un très beau condensé en fait du rêve que suscite le faux et que les faussaires aussi emportent avec eux. C'est vraiment un sujet très romanesque et ici on le voit très bien à travers la figure d'Arsène Lupin et cet imaginaire du trésor, du sacré en fait, qui est lié à des objets uniques, la Joconde, la tiare de Saïta Farnèse. Qu'est-ce que c'est que cette tiare? Alors cette tiare, au moment même où cet ouvrage « L'aiguille creuse » est publié, avait suscité beaucoup de remous. Elle avait été acquise par le musée du Louvre dans les années 1890. Et puis, rapidement, a couru le bruit que cet objet était un faux. Saïta Farnèse était un roi scythe. Tout à fait. Donc la tiare avait été présentée comme un trésor scythe. Or, le bruit a couru que cet objet était un faux et l'auteur de ce faux, en effet, a été appelé à Paris. Il s'agissait d'un orfèvre d'Odessa qui a su montrer ses talents et qui a donc montré bien que l'acquisition par le Louvre de cet objet avait été mal conseillée par ses experts. Et donc, il y a eu vraiment tout un bruit public, si vous voulez. C'est donc une des grandes affaires de faux de la fin du 19e siècle, en un moment où en effet le faux pouvait être aussi très politique, puisqu'on est aussi au moment de l'affaire Dreyfus. Donc voilà, la question du faux est une question sensible, c'est une question politique. Donc par-delà le romanesque, c'est vrai que la question du faux pose des questions beaucoup plus larges en réalité, plus philosophiques en fait, puisque le faux nous met nos catégories à l'épreuve. Qu'est-ce qu'un objet authentique? Qu'est-ce qu'un objet original? Donc s'interroger sur le faux, c'est s'interroger sur l'histoire des conceptions de l'authenticité. Alors ça peut paraître un peu théorique, mais en fait ça ouvre sur toute une série de questions. Le rapport à l'art, le rapport aux objets de reliques par exemple. Donc c'est une question en fait très large. Eh bien voilà une annonce de plan qui me paraît fort bienvenue. On peut ajouter peut-être que la Joconde au même moment, dans cet avant 1914, a été volée. La Joconde était alors n'était pas alors tout à fait la pièce vraiment aussi connue, aussi célébrée qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est précisément le vol de la Joconde qui va la rendre en effet mondialement célèbre. Donc tout à fait, il y a en fait une actualité là dans ce court passage de l'aiguille creuse. Il y a une actualité très forte liée à des objets exceptionnels. L'erreur, d'autre part, sur la tiare conduit à un autre aspect de notre sujet, les faussaires, c'est-à-dire la déconfiture par moments des experts. Et c'est ça qui rend souvent sympathique les faussaires, c'est qu'ils vont piéger ceux qui se présentent comme les experts dans nos sociétés, ceux qui détiennent le savoir absolu sur certains objets, dans certains domaines, et qu'ils vont mettre à l'épreuve, souvent avec beaucoup de sagacité, les savoirs de ces experts et qu'ils vont les piéger. C'est ce qui rend ces faussaires aussi souvent sympathiques et ce qui explique l'importance des romans, des documentaires, des films qu'il y a pu y avoir sur ces faussaires. Commençons, si vous le voulez bien, Charlotte Guichard, par évoquer un certain nombre d'aspects techniques, puisque votre beau livre est consacré à la griffe du peintre, c'est-à-dire aux signatures. Vous avez eu beaucoup à vous interroger sur l'authenticité de ces griffes, mais la question dépasse évidemment cela. Comment est-ce que les choses se passent? Comment est-ce qu'on organise les copies? Est-ce que vous pouvez nous dresser une sorte de tableau et puis nous expliquer aussi comment on a progressé pour débusquer les faussaires? Cette injonction, elle se déploie en fait dans le cadre de ce qu'on a pu appeler la science du connaisseur, la science du connaisseurship. C'est un petit peu comment est-ce que l'œil du connaisseur a pu se développer au cours des siècles en fait et au cours de cette période durant laquelle la valeur de certains objets était de plus en plus liée à leur attribution à un artiste ou à un auteur en particulier. Et donc il fallait que l'on sache attribuer un écrit, un objet, une œuvre à un auteur. Et donc on a, dès le XVIIe siècle, des premiers textes qui nous parlent de la manière dont on peut attribuer, par exemple dans le domaine de la peinture, un tableau à un artiste. Et comment faisait-on alors ? ces savoirs-là ne sont pas des savoirs qui s'explicitent communément. L'œil du connaisseur, par définition, c'est un petit peu ce coup d'œil qui frôle la magie, en fait. Il n'y a pas vraiment de recette très simple. Mais il y a déjà des textes qui expliquent voilà, qu'il faut regarder la manière dont sont peintes les draperies, la manière dont la touche est posée. Il y a tout un vocabulaire qu'on appelle de l'attributionnisme qui se développe et qui va culminer à la fin du 19e siècle avec un auteur important qui s'appelle Giovanni Morelli et qui va vraiment théoriser cette science du connaisseur. Alors là, en expliquant très précisément comment attribuer un tableau. Et cette science de l'attribution, selon lui, elle repose sur des parties du tableau où l'artiste se relâcherait, s'oublierait en quelque sorte. Et donc, on pourrait reconnaître l'artiste à ses formes de routine dans le tableau, les oreilles par exemple, ou bien les mains. À la fois la routine et l'exception à la routine. La routine et l'exception à la routine. C'est-à-dire que lorsque l'artiste s'oublie, eh bien, il va peindre, il va s'exprimer totalement. Il va exprimer son être et sa psychologie. Et c'est ainsi que Morelli définit une première science de l'attribution. Cette science-là, elle a été considérablement améliorée, on pourrait-on dire, par les techniques de l'expertise. Ah oui, on voit que à partir des années 60 surtout, 1960, la radiographie, la résonance magnétique nucléaire, le microscope analytique à balayage, et même la dendrochronologie, c'est-à-dire la chronologie du bois. Non, je sais plus. Exactement. Alors, ce sont des techniques souvent un petit peu obscures pour le grand public, hein, et même pour ceux qui s'y intéressent. En fait, il s'agit d'arriver à dater, par exemple, des objets, ou alors d'arriver à rechercher dans le tableau les traces d'un fer ou d'un geste. Alors, l'imagerie, par exemple, va permettre de détecter sous la peinture des dessins sous-jacents. Les analyses physico-chimiques, pour aller vite, vont permettre de déterminer des pigments. À partir du moment où on peut déterminer un pigment, on peut déterminer souvent la datation approximative, bien sûr, du tableau, mais on sait que certains pigments sont apparus seulement au XVIIIe siècle, comme le bleu de Prusse, par exemple, ou le jaune de Naples. Donc un tableau qui utiliserait du bleu de Prusse alors qu'il est censé être attribué, par exemple, à Raphaël, serait de manière évidente un faux. Et alors, il y a une sorte de course entre le faussaire et l'expert, puisque le faussaire invente de plus en plus de procédés pour tromper celui qui va analyser les choses. Pendant longtemps, les experts se promenaient avec une petite aiguille, une épingle. Oui, on raconte qu'ils avaient cette épingle au revers de leur veste, qui, avec cette épingle, ils essayaient de transpercer les tableaux. Un tableau neuf laisserait l'épingle le traverser, alors qu'un tableau plus ancien, durci, la couche picturale aurait durci, et donc ne laisserait pas passer l'épingle. Mais le faussaire invente beaucoup de procédés pour que la peinture se durcisse plus vite. On le cuit au four. Voilà, on le cuit au four, c'est ce que racontent certains faussaires, c'est ce que faisait Wolfgang Beltracchi tout récemment encore, qui n'a pas hésité avant de vendre ses faux, de les faire passer dans des laboratoires, donc pour voir s'ils passaient l'épreuve du laboratoire scientifique. Donc voilà, ils poussent à leur limite la science telle qu'elle existe. Et intéressant parce qu'il est très récent, en fait, la fin de ses activités remonte aux années 2000-2010. Il a passé quelques années en prison, mais assez peu. Et il était particulièrement pittoresque. Apparemment, oui, il était très pittoresque. Il y a eu encore un documentaire sur lui qui montre à quel point ce genre de personnage fascine le public. Oui, il a été emprisonné quelques années. Et puis, il est retourné à la vie quotidienne. Il est devenu peintre. Peintre, il signe lui-même ses œuvres et il les vend. Il les vend bien. Donc, son histoire de faussaire l'aura servi finalement dans sa carrière d'artiste, puisqu'il avait commencé à falsifier des toiles parce qu'il n'arrivait pas à se faire un nom, précisément. Finalement, il aura réussi à se faire un nom d'abord comme faussaire avant de se faire un nom comme artiste. Eh bien, alors, il va y avoir des faux Beltracchi, maintenant. Et c'est possible, ce serait l'ironie de l'histoire. Dans la catégorie des procédés amusants, le rôle qu'il a attribué à sa femme mérite d'être rappelé. Oui, alors, sa femme a joué un rôle important dans cette histoire de faux, puisque c'est elle qui a beaucoup authentifié, si on peut dire, mais qui a eu l'idée d'apposer sur certaines de ses toiles des étiquettes, comme quoi le tableau proviendrait d'une collection d'un marchand d'art, Alfred Flechtheim, qui a dû émigrer au moment du nazisme, et dont la collection était censée avoir disparu. Mais alors, il se fait photographier elle-même dans le rôle de sa grand-mère, c'est ça? Par ailleurs... Et tout le monde dit, oh, quelle air de famille! Tout à fait, donc ils produisent de faux certificats, de fausses provenances, en fait, et parmi ces faux certificats et ces fausses provenances, eh bien, il y a la photo, elle aussi fausse, hein, de la grand-mère, je crois, qui est censée poser devant les tableaux de cette collection qui avait disparu au moment du nazisme, parce que c'était une collection d'art dégénéré, etc. Et donc, Beltracchi peint des tableaux qui sont censés venir de cette collection disparue, et il fournit tous les indices d'une authenticité autour de ces tableaux, l'étiquette collée, la photo avec les tableaux figurant au mur. La répression des faux est une chose difficile, mais il faut donner la parole à un policier qui s'en est mêlé, c'est Guy Isnard, qui a créé la brigade de répression des faux. C'est une émission de Jean Garetto et Pierre Caudou, du 16 janvier 1982. Je trouve que c'est extraordinaire la façon dont les gens se laissent duper. Souvent, c'est pour gagner de l'argent. Ils ne veulent pas, ou plutôt de payer moins cher. Ils ne veulent pas s'adresser à des commerçants patentés, à des négociants qui ont pion sur rue. Alors, ils s'adressent à tous ces marchands qui grenouillent tout autour de la profession, pensant faire de bonnes affaires. Puis il y a aussi l'orgueil. Il y a des gens qui ont la manie de découvrir, comprenez-vous, mon ceci, mon Rubens, mon Rembrandt, mon Vlaminck, et puis voilà, je n'ai pas besoin d'experts, je n'ai pas besoin de marchands, je sais acheter, comment et où. Et puis surtout, alors l'incompétence, c'est ça. Les naïfs, les gogos sont incompétents, ils n'y connaissent strictement rien, ils se laissent prendre par différents artifices, notamment la signature, et ça c'est important. J'ai entendu souvent des gens me dire, comment monsieur, mon tableau n'est pas vrai. Enfin, il est signé. Alors je disais, mais monsieur, dans un faux, ce qui est le plus facile à faire, c'est la signature. Charles Houdemont disait que sur 100 tableaux vrais, il y en a 10 de signés, et puis sur 100 tableaux faux, hein, il y en a 90. Bon, c'était une boutade, mais c'est vrai. Parce que les faussaires savent que, vis-à-vis du gogo, la signature, c'est tout de même une espèce de garantie. Nous avons exposé, en 1955, un tableau Jonking. Ben, le possesseur n'a jamais remarqué, avant qu'on lui fasse remarquer, que son tableau était signé Jonking sans G, une faute dans l'orthographe. Et cette histoire de signature prend tellement les gens que, je me souviens, il y avait un propriétaire d'un tableau de Courbet. Alors ce tableau était authentique. Alors il a essayé de le vendre, puis on lui disait, oui, mais votre tableau est bien, mais il n'est pas signé. Alors fatigué d'entendre ça, il se laisse aller à mettre une signature Courbet. Alors après, il présente son tableau. Les gens regardent et disent, oui, ce tableau est bien. Mais alors, la signature est franchement fausse. Alors, il n'a jamais pu le vendre. Bon, ça, c'est une anecdote et c'est vrai. La vérité, le faux, c'est sans fin, Charlotte Guichard. Oui, ce qui est très séduisant dans cette archive, c'est la manière dont le monsieur, là, exprime quelque chose qui est inhérent à l'objet et au faux, en fait, c'est ce récit du faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux en soi, il n'y a que des récits autour du faux. Vous voyez, un tableau est un tableau, il n'est pas faux en lui-même. Donc, ce qui est faux, c'est le récit autour de cet objet. Et l'archive ici nous montre à quel point l'objet est pris dans une trame narrative. Il faut raconter une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui a une histoire. Et cette histoire, elle remonte très loin, en fait, et elle remonte jusqu'à la Renaissance, qui est le grand moment d'invention du faux dans le domaine de l'art, en tout cas, avec les récits de Vasari. Le grand patron de tous les historiens de l'art. Voilà, exactement. Et bien donc, au moment où naît l'histoire de l'art, et bien apparaissent aussi les premiers récits de faux. Donc on a quelques très belles histoires de faux. La première que raconte Vasari dans sa vie de Marcantonio Raimondi, c'est la manière dont cet artiste a reproduit des gravures de Durer, des gravures tirées du cycle de la Vierge. Nous sommes là dans les années 1510. Et donc Vasari raconte comment Durer, en colère contre Raimondi, retourne à Venise pour faire promulguer un édit contre les faussaires. Il publie en 1511 son cycle intitulé « La vie de la Vierge » avec une adresse aux faussaires, et c'est un des premiers écrits consacrés aux faux et aux faussaires. Et je peux la citer parce que c'est une très belle injonction. « Malheur à vous, voleurs et imitateurs du travail et du talent des autres. » Donc là, avec cette histoire de Durer et de Raimondi, on a un des premiers récits de faux qui est déjà rapporté par Vasari. Est-ce qu'on doit inscrire Michel-Ange dans cette catégorie ? Michel-Ange, Andrea del Sarto et Raphaël. Expliquez-nous ce qu'a fait Michel-Ange. Alors Michel-Ange a... Jeune Michel-Ange. Le jeune Michel-Ange, lorsqu'il n'est pas encore Michel-Ange précisément, eh bien, a réalisé une statue d'un Cupidon pour la vieillir. Il l'a enterrée enfouie dans la terre pour faire croire qu'elle était antique. Alors évidemment, cette histoire a été sue très vite, mais c'est ce qui a fait que le cardinal Condivi, ensuite, le fait venir à Rome. Donc ça a aussi, en quelque sorte, été un coup d'accélérateur pour sa carrière. Donc, ces histoires de faux, en fait, lorsqu'elles apparaissent au moment de la Renaissance, elles ont aussi une dimension morale très forte. Elles sont exemplaires, en fait. Elles disent quelque chose de la peinture, de son statut mimétique, de l'art. L'art est fondé sur l'imitation. Et donc, en fait, le faussaire, c'est celui qui est tellement bon qu'il arrive à imiter même l'antique, même le plus excellent des artistes, Durer, ou dans le cas de la vie d'Andrea del Sarto, eh bien, c'est Andrea del Sarto qui arrive à imiter la main de Raphaël. Ces récits, en fait, ne sont pas seulement anecdotiques. Ils disent quelque chose du statut mimétique de l'art et de l'importance de la copie, d'ailleurs, dans la formation des artistes et dans l'art en général. Ce qui voudrait dire, si je vous comprends bien, Charlotte Guichard, qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le travail de copie, qui est une forme d'admiration, et puis finalement l'art du faussaire, la fabrique d'un faux. Est-ce qu'il y a vraiment une coupure ? Je dirais que l'histoire du faux et des faussaires est une histoire très contemporaine. Pendant très longtemps, ce qui prédominait, c'était l'importance de la copie. Alors, il y avait des copies qui pouvaient devenir frauduleuses, il y avait une intention de tromper, mais la frontière était toujours difficile à tracer, en réalité. Les histoires de faux et les intentions de tromper vont vraiment apparaître plus tardivement, si vous voulez. Dans ces récits de la Renaissance, le faux nous parle du pouvoir de l'art, en fait. Et donc, il nous parle moins du faussaire que du pouvoir de l'art. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Vasari met ses villas dans les vies de faussaires, en fait. Puisque c'est dans la vie de Marc-Antonio Raimondi qui raconte cette histoire, donc, ou dans celle d'Andrea del Sarto. Il les met au crédit, en fait, de l'artiste. Alors, nous assistons dans l'art, au fond, vous nous dites cela, à la naissance des faussaires. Pourtant, j'ai lu que dans l'Antiquité aussi, certains avaient fait des statues. Par exemple, on avait affirmé que des statues étaient de Praxitèle, alors qu'en fait, c'était des imitateurs trois siècles après, ce qui a fait que certains savants, ils se trompent souvent, au fond, dans ce domaine. Certains savants ont cru pouvoir attribuer ces statues à la Grèce antique, alors qu'elles étaient romaines. Oui, alors là, vous faites allusion notamment à des citations liées à l'auteur, au fabuliste romain, Phèdre, qui racontait comment certains commanditaires et acheteurs romains achetaient en fait des œuvres qui étaient bien plus tardives que ne pouvaient laisser croire les signatures qui avaient été faussement apposées. Donc là, on a déjà, au moment donc de ce, voilà, autour du premier siècle après Jésus-Christ, des histoires de faux, mais celles-ci vont disparaître. C'est seulement dans un autre domaine qu'elles vont réapparaître, au moment du Moyen-Âge et l'apparition du culte des reliques. C'est l'âge d'or vraiment de la falsification, non pas en art, mais pour les reliques en effet, et aussi pour les documents, les chartes, tout ce dont on a besoin pour prouver des choses sur son lignage, ses propriétés, et éventuellement pour tromper à cet égard. Le Moyen-Âge apparaît comme qu'on l'a écrit comme un des grands siècles du faux. Alors si on se cantonne d'abord au culte chrétien des reliques, c'est parce que on peut penser que voilà, ce culte a permis le développement d'une culture, d'un savoir de l'authenticité qui s'est ensuite transféré dans la production des images. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que la relique n'a de valeur qu'en tant qu'elle est reliée à un individu singulier. Et donc, c'est très important pour les propriétaires des reliques, qui sont souvent des moines, eh bien, d'attester de l'authenticité de l'objet. Et donc, il faut attester de l'authenticité de l'objet en associant cet objet à une histoire, à des certificats. Alors ça, c'est... Là, on est à un moment important où se précisent, en fait, des savoirs de l'authenticité. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce savoir de l'authenticité n'est pas cantonné aux reliques. Il va aussi se développer, en gros, entre le 9e et le 13e siècle, lorsque se développe en même temps une nouvelle conception de l'authenticité et des faux. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, c'est que toute une série d'individus vont essayer de faire valoir des droits, des privilèges. Eh bien, pour défendre, par exemple, une exemption contre l'évêque, on va devoir attester deux documents. Autrefois, on pouvait se raccrocher à une forme d'autorité, mais qui ne reposait pas sur un document écrit. Or, il y a une mutation de l'écrit, de l'archive dans ces années-là, dans ces siècles-là. Et donc, ces individus, moines, etc., clercs, vont devoir produire des faux, en quelque sorte. Il y a un cas qui est éclatant à cet égard, c'est la fausse donation de Constantin au pape Sylvestre, qui aurait, après qu'il eût été converti au christianisme, accordé au pontife la primatie sur les patriarches orientaux et lui aurait conféré les insignes impériaux et lui aurait accordé la domination territoriale sur Rome, sur l'Italie et sur l'Occident. Oui, alors ça c'est une très belle histoire, bien sûr, qui a été commentée par Carlo Ginzburg plus récemment. Grand historien italien, c'est le maître de la micro-histoire. Tirer un maximum d'un fait, d'une histoire. Et voilà, vous tirez le maximum, Charlotte Guichard, de cette histoire de la donation de Constantin. Oui, alors en fait, ce faux aurait été réalisé en réalité au 8e siècle, après Jésus-Christ. Et c'est un humaniste, un très très bon connaisseur du latin, Lorenzo Valla, donc secrétaire d'Alphonse V de Naples, qui a démontré que ce texte qu'on attribuait donc à Constantin, je le cite, était à lui faussement attribué. Donc là, on retrouve l'histoire de l'attribution. On voit à quel point c'est important. Et il démontre ça sur la base d'une critique philologique extrêmement fine. C'est grâce à sa connaissance du latin. Il va repérer des barbarismes un petit peu grossiers. Il va comprendre que voilà, c'est pas un texte qui date du 4e siècle comme on l'a longtemps pensé. Donc, vu d'Orient, l'enjeu est considérable. Donc c'est pour ça que c'est aussi un texte qui va avoir une postérité incroyable. C'est un texte publié en 1442 et on a pu dire à juste titre qu'il avait fondé la critique moderne, philologique du texte. Il s'agit donc là de critiquer l'autorité chère au Moyen-Âge et d'affirmer une nouvelle méthodologie dans le rapport au texte et à l'histoire. Donc c'est vraiment un texte tout à fait fondateur de ce point de vue-là. On ne s'étonne pas de voir les protestants réagir très vivement à l'adoration des reliques. Par exemple, Calvin, très critique, explique qu'il est invraisemblable que toutes ces reliques aient vraiment une authenticité. Il écrit « Les mensonges sont évidents. Il n'est pas possible de prétendre aucune vraisemblance. Tout cela ne fait rien pour approuver toutes ces reliques. » Pour prouver que Jésus-Christ ait été crucifié avec 14 clous, parce qu'il y avait les clous, effectivement, que se disputaient les moines, ou qu'on eût employé une haie tout entière à lui faire sa couronne d'épines, tant il y a d'épines partout distribuées, ou que son sais c'était une tunique, que son sais se soit multiplié en trois et changé de façon pour devenir une chasuble, ou que d'un suaire seul, il en soit sorti une couvée comme des poussins d'une poule. Fin de la citation de Calvin, ce qui conduit d'ailleurs à la démonstration assez récente, à la fin des années 1980, que le suaire de Turin avait été tissé et fabriqué au Moyen-Âge. Et c'est Claude Guillaumin, qui fut un grand journaliste de France Inter, qui l'annonce sur cette station le 14 octobre 1988. La légende était belle, si belle que des millions de personnes avaient fini par y croire. Mais ça n'était qu'une légende que la science vient de tuer. Le Saint-Suaire de Turin est un faux. Ce linge de 4,36 m sur 1,11 m, devenu sacré au fil des siècles, avait servi à envelopper, paraît-il, le corps du Christ à la descente de croix, et son visage y était fixé à jamais. Pendant des siècles, ceux qui voulaient le croire et ceux qui ne l'ont jamais cru ont avancé arguments, certitudes et hypothèses sans parvenir à convaincre. Des méthodes expérimentales d'autrefois, on est peu à peu arrivé aux tests scientifiques les plus pointus, et c'est grâce à eux que la vérité vient d'éclater. Les expériences au carbone 14 effectuées dans trois laboratoires, britanniques, américains et suisses, sont formelles. Le suaire de Turin n'a pas plus de 700 ans, il date donc du Moyen-Âge. Mais alors, qui l'a fabriqué? Quel moine peut-être a patiemment tissé ce linceul à l'ombre de son couvent? Quel inconnu avait ce visage qui est la reproduction presque parfaite de ce qu'était celui du Christ, du moins tel qu'on l'imagine? Et puis, la science est-elle infaillible? Le cardinal Balestrero, l'archevêque de Turin, qui a annoncé la nouvelle, a déclaré « Les spécialistes sont sûrs à 95%. Il reste donc 5% pour la légende. » France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Essentiel, Charlotte Guichard, non? Oui, cette affaire du Saint-Suaire est tout à fait remarquable. Elle est très belle aussi, elle est très emblématique de ce rapport chrétien aux reliques. Et d'ailleurs, même si il a été démontré à 95%, donc que le Saint-Suaire de Turin est un faux, il n'en demeure pas moins qu'il, pour certains, il demeure un objet de dévotion. C'est vrai que ce rapport médiéval aux reliques a été fondateur d'une certaine conception de l'authenticité. C'est-à-dire que ces reliques, parce qu'elles sont liées, vraiment, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais elles sont reliées à un individu singulier, alors ici le Christ, mais c'est valable aussi pour des saints plus locaux, eh bien, elles tiraient leur efficace de cette relation à cet individu singulier. Et pour les propriétaires de ces reliques, c'était extrêmement important de prouver l'authenticité de ces restes, de ces objets que le saint ou la sainte avait pu toucher de son vivant. Avec des affrontements souvent entre les monastères. C'est moi qui ai la vraie relique. Tout à fait. Il y a des affrontements et des vols parfois de reliques qui sont bien connus parce qu'évidemment, les monastères attiraient beaucoup de fidèles. Donc c'était vraiment une question aussi très importante pour la valeur d'un lieu, etc. Donc le culte chrétien des reliques, c'est pas simplement une analogie avec l'œuvre d'art post-Renaissance. C'est que c'est vraiment, je pense, certaines des caractéristiques du faux et de l'authentique qui vont ensuite être légués à l'univers du tableau. On a vraiment des procédés d'authentification et de justification qui sont semblables. Par exemple, la provenance. Voilà, on a les mêmes logiques liées à la provenance. On va devoir prouver la provenance d'un tableau comme on a dû prouver la provenance d'une relique. C'est tout ce discours autour de l'objet qui, sans doute, trouve son origine dans cette période du Moyen-Âge. Et qui continue de perdurer avec les évolutions même du XVIIIe siècle. Votre cher XVIIIe siècle, votre période des Lumières, Charlotte Guichard. Tout à fait. Mais avec des mutations que vous allez nous dire. Le XVIIIe siècle, à mon sens, il est tout à fait important parce qu'il est, inaugural dans la manière qu'il a de reformuler la question de l'original, de l'authentique et donc du faux. Un des premiers à y avoir réfléchi, à avoir écrit sur ce sujet, c'est l'abbé Dubos. Vous allez nous dire quelle est son importance, mais avant, je vais vous le faire entendre. C'est un texte extrait des Réflexions critiques sur la poésie et la peinture de 1719, à l'aube des Lumières, qui est lu ici par Vincent Schmitt dans une émission des Chemins de la philosophie, de notre chère Adèle Vendrette, le 7 février 2018. On imite la main d'un autre, mais on n'imite pas de même, pour parler ainsi, son esprit. Et l'on n'apprend point à penser comme un autre, ainsi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui. Le peintre médiocre qui voudrait contrefaire une grande composition du Dominicain ou de Rubens ne saurait imposer, non plus que celui qui voudrait faire un pastiche sous le nom du Giorgione ou du Titien. Il faudrait avoir un génie presque égal à celui du peintre qu'on veut contrefaire pour réussir à faire prendre notre ouvrage pour être de ce peintre. On ne saurait donc contrefaire le génie des grands hommes, mais on réussit quelquefois à contrefaire leurs mains, c'est-à-dire leur manière de coucher la couleur et de tirer les traits, les airs de tête qu'ils répétaient et ce qui pouvait être de vicieux dans leur pratique. Il est plus facile d'imiter les défauts des hommes que leur perfection. Par exemple, on reproche au guide d'avoir fait ses têtes trop plates. Ces têtes manquent souvent de rondeur parce que leurs parties ne se détachent point et ne s'élèvent pas assez l'une sur l'autre. Il suffit donc, pour lui ressembler en cela, de se négliger et de ne point se donner la peine de pratiquer ce que l'art enseigne à faire pour donner de la rondeur à ses têtes. On peut rappeler que le guide, c'est la façon française de désigner ce peintre du XVIIe siècle, qui est Guido Rini, de même que le Dominicain, c'est Domenico Zampieri, deux artistes de l'école bolognaise. Tout à fait. C'est un très bel extrait d'un texte fondamental de l'abbé Dubos qui, en fait, nous introduit à la manière dont les peintres peignaient, précisément encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En fait, l'abbé Dubos, ici, nous éclaire sur l'importance de la copie dans la formation des peintres à l'époque moderne. Guido Reni et le Dominicain étaient deux peintres très importants que les peintres, notamment français, devaient aller copier lorsqu'ils étaient en formation à l'Académie de France à Rome. Et donc, ce qu'il décrit, en fait, c'est une pratique très, très étendue. La Villa Médicis. L'actuelle Villa Médicis, tout à fait. Ce qui est important ici de souligner, c'est que lorsque l'abbé Dubos parle de contrefaire, il fait référence, en fait, à une tradition qui est la tradition de la copie. Et contrefaire n'a pas forcément, pas tout à fait, pas encore tout à fait, le sens de falsification qu'aujourd'hui on lui trouve. Contrefaire, pendant longtemps, ça a voulu dire copier. Contrafatto, counterfeit en hollandais, eh bien ça veut dire reproduire, ça veut dire copier. Donc l'abbé Dubos, ce qu'il nous dit, c'est qu'un artiste peut en copier un autre. Alors il peut copier sa main, mais il ne peut pas copier son génie. Et pour se former, l'artiste doit apprendre à copier. Et c'est parce qu'il imite qu'un jour il pourra dépasser le maître. À force de copier Guido Reni, à force de copier le Dominicain, eh bien ces artistes pourront les dépasser peut-être et trouver leur propre génie. Donc ici on a un moment très intéressant qui est un moment un petit peu à la fois de transition et un moment inaugural, comme je le disais, puisque on est encore dans cette tradition de la copie, qui est une tradition de la première modernité. Dans les ateliers, on copiait les maîtres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de nombreuses copies, hein, de Bosch, de Bruegel, etc., etc. Il y a beaucoup de copies parce que ça faisait partie du métier du peintre. Et puis, on est en train de redéfinir la figure de l'individualité artistique, en fait, dans ce moment du début du XVIIIe siècle. Et donc, c'est dans cette alliance entre la main et le génie que l'on va trouver l'artiste moderne, en fait. Formule de Dubos, la main et le génie. Oui. Tout à fait. Ces copies peuvent, par une évolution spontané, conduire aussi vers des peintures qui sont des faux. Oui, puisque on a des exemples d'ailleurs de ces copies frauduleuses. Alors un des exemples, alors qui va nous remettre un petit peu en arrière et qui nous va nous transporter au XVIIe siècle en fait. Un exemple intéressant, puisqu'il est attesté de son vivant, c'est les nombreuses copies frauduleuses qui ont pu exister du peintre paysagiste Claude Lorrain. Claude Lorrain était un peintre qui avait un grand succès. Et puis, il a réalisé un document tout à fait exceptionnel qui est aujourd'hui conservé au British Museum, qu'on appelle son livre de vérité. Dans ce livre de vérité, en fait, il va consigner tous les tableaux qu'il a lui-même réalisés. Donc, il dessine des esquisses des tableaux qu'il a faits. Il indique le nom du commanditaire, la date. Parfois, s'il y a une signature, il l'indique. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, parce que un autre théoricien important, Filippo Baldinucci, qui lui est un théoricien florentin du XVIIe siècle, nous rapporte qu'en fait, eh bien, Claude Lorrain était fatigué de voir des gens arriver avec des tableaux qui n'étaient pas de lui, mais qu'on lui demandait d'authentifier. Et donc, il a commencé dans les années 1630 son livre de vérité pour créer en fait son corpus d'œuvres authentiques. Donc là, on est vraiment dans un cas tout à fait intéressant de copies frauduleuses dès le XVIIe siècle. Si les artistes faisaient tout ça, avaient tous fait cela, la tâche des faussaires serait plus difficile. On ne pourrait pas dire, comme on le dit par exemple à propos de Corot, qu'il a peint 3000 tableaux dont 5000 sont aux États-Unis. Alors, la tâche aurait été compliquée ou facilitée, puisque quelqu'un comme Beltracchi, par exemple... Nous parlions tout à l'heure. Tout à fait. Beltracchi, eh bien, il se basait sur les catalogues raisonnés des artistes pour fabriquer ses faux. C'est-à-dire que dans ces catalogues raisonnés, il y a toujours des objets qui manquent. Il y a des tableaux qui ont disparu. De la même manière que tous les dessins que Claude Lorrain a consignés dans son livre de vérité, nous ne les avons pas tous dans nos musées. Certains ont disparu. Et donc, Beltracchi... Eh bien, se fondait sur les catalogues raisonnés des artistes, repérait des tableaux disparus et produisait l'objet disparu. Et cela rencontrait évidemment l'émotion, le désir des marchands et surtout des conservateurs de musées. Enfin, voilà ce tableau dont nous avons tant rêvé. C'est le désir, bien souvent, qui anime les experts comme les faussaires. C'est l'occasion de s'arrêter un instant sur un cas très fameux, c'est celui de Van Meegeren, ce faussaire qui a magnifiquement imité Vermeer. Racontez-nous ça, Charlotte Guichard. Anne Van Meegeren, en effet, c'est un des faussaires les plus emblématiques et sur lequel on a beaucoup écrit. Son coup de génie, pourrait-on dire, précisément, c'est d'avoir su rencontrer le désir des experts de son temps. Alors là, on est dans l'entre-deux-guerres et il avait compris, en ayant beaucoup lu, que on soupçonnait notamment un très grand expert de l'époque, Bredius, qui était un spécialiste de Rembrandt à l'origine, on soupçonnait que Vermeer, on rêvait que Vermeer avait eu une période italienne. On rêvait aussi que Vermeer avait peint des tableaux religieux. Et ces tableaux avaient disparu. Et donc Anne Van Meegeren, eh bien, s'est attelée à produire ces tableaux religieux. Le plus célèbre d'entre eux, les disciples d'Emmaüs, évidemment, c'est ainsi qu'il l'a réalisé, hein, en allant, en fait, dans le sens des intuitions, pourtant erronées, en fait, hein, de Bredius. Abraham Bredius, qui était un grand spécialiste de Rembrandt, plus encore que de Vermeer, et qui, lorsqu'il a été consulté, a eu cette conclusion sans appel. Cette magnifique pièce de Vermeer, le grand Vermeer de Delft, est revenue à la lumière, puisse le Seigneur en être remercié. Le Seigneur, en l'occurrence, c'était Van Meegeren. Depuis l'ombre, elle est revenue à la lumière, depuis l'ombre où elle demeurait depuis tant d'années, sans tache, exactement comme elle a quitté l'atelier de l'artiste. Composition, expression, couleur, tout concourt à former une harmonie de l'art suprême et de la beauté suprême. Fin de citation. Oui, alors évidemment, Bredius a été brocardé sans doute après. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ces faux de Meegeren, eh bien, on voit à quel point finalement aujourd'hui on repère tout de suite le faux. Alors, ça nous pose question, en fait. Comment le repérez-vous ? C'est-à-dire, même sans être spécialiste de Vermeer, on voit que la qualité des couleurs, la qualité de la peinture, enfin, c'est vraiment très, très différent. Et donc, le fait que les experts eux-mêmes aient pu se tromper, eh bien, ça nous montre une chose sur le faux et sur les faussaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils reflètent un état des savoirs. Donc c'est aussi une histoire des savoirs. L'histoire du faux, ça nous invite à réfléchir à une histoire des savoirs sur l'art, mais aussi des savoirs sur les manuscrits, comme le montrait tout à l'heure la fausse donation de Constantin. C'est-à-dire que en même temps que les savoirs progressent, les faussaires progressent. Et donc lorsqu'un faux est dévoilé, eh bien en fait ce qu'il dévoile, c'est l'état des savoirs. Et donc, avec le cas de Van Meegeren, on est vraiment là, à la limite. Aujourd'hui, notre connaissance de Vermeer a considérablement évolué. En fait, il faut savoir que Vermeer n'a pas toujours été Vermeer. Il y a eu un long moment où il était inconnu, ou très mal connu. On signait plutôt Peter de Hoogh. Tout à fait, c'est un des cas très intéressants. Peter de Hoogh était plus valorisé sur le marché et dans les musées que Vermeer. Et donc on a un tableau aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches de Vienne qui avait cette signature d'un autre maître, en fait, qui à l'époque était plus valorisé. Et ça nous dit quelque chose, non pas seulement de l'état des savoirs, mais de l'état du marché, et donc de la valeur de l'art. Ça conduit à la dimension que nous n'avons pas encore beaucoup évoquée, c'est la dimension financière de ces questions, de cette grande histoire des faussaires à quoi nous nous attachons ce matin. Tout Il y a beaucoup fait. D'argent en cause à toutes les époques. Beaucoup d'argent, et c'est aussi pour cela que les faussaires sont souvent des héros que le grand public aime. C'est parce que, eh bien, aussi, ils dévoilent l'importance des sommes qui sont engagées dans des achats parfois complètement frauduleux. Donc oui, la question financière, évidemment, est essentielle. Alors, je trouve opportun et convenable, pour tout dire, Charlotte Guichard, que nous entendions la voix d'un faussaire. Alors, en voici un, il s'agit de Guy Ribbe, dans un documentaire de Jean-Baptiste Perretier et Yvon Croisier, sur France Culture, le 16 février 2011. Il va tout vous expliquer. Le premier pot que j'ai fait, c'était les Vesbuches. J'adorais ce qu'ils faisaient. À l'époque, j'habitais en Provence, dans un petit village, tout petit village. Et le seul amateur d'art du coin, il adorait Vesbuches, mais il ne pouvait pas s'en acheter un. Alors, j'en ai fait un. J'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq. Jusqu'au jour où Vesbuche, Claude, que je connais très bien, il m'a dit « Guy, t'arrêtes, maman. » Alors j'ai passé à un autre peintre. Puis un jour, je me suis pointé avec une aquarelle de Chagall. Mauvaise, évidemment. Mais on m'a appris qu'elle devienne bonne. Vous avez reçu une sorte de formation pour le faux. Bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire de faux sans une connaissance parfaite du peintre, d'abord, de ses techniques et de son entourage. Moi, tous les gens pour qui j'ai travaillé dans le faux, parce qu'il y a eu un procès sur la dernière équipe d'imbéciles avec qui je travaillais, mais j'ai travaillé longtemps avec des gens très compétents. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'histoire ni de retour. Les faux sont devenus vrais. Parce que maintenant, on fait des certificats pour authentifier une œuvre. Un faux tableau avec un vrai certificat devient vrai. Vous comprenez? Un vrai tableau avec un faux certificat reste faux. Et l'erreur que les gens ont fait la dernière fois, là, avec qui je travaillais, c'est qu'ils ont fait des faux certificats. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire. C'est pour ça que tout le monde s'est fait prendre. Alors que tous les gens avec qui je travaillais avant montraient les tableaux d'experts. Ils acceptaient, le tableau partait rentrait dans le domaine de l'art, ils acceptaient pas, on détruisait le tableau, terminé. On n'ira pas vérifier, vous prenez la Gazette de Drouot, on n'ira pas vérifier si tout est bon dans la Gazette. Vous ouvrez une Gazette de Drouot, certificat d'un tel, personne n'ira douter de l'authenticité de l'œuvre. Je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup de fausses. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas l'œuvre, ils achètent le certificat. On investit dans le certificat. Moi, tous les marchands que j'ai vus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, la première chose qu'ils demandent, c'est le certificat. L'œuvre, ils s'en foutent complètement. Donc pendant toute une période, vous avez, disons, appris à faire des faux, pour faire par exemple des faux Chagall ou... J'ai appris à être Chagall, à penser exactement comme lui. Chagall, quand il rentrait dans son atelier, tous les matins, sa femme lui mettait un bouquet de fleurs. Et il s'inspirait de ce bouquet de fleurs. Ben, je faisais la même chose, moi. Moi, un jour, j'avais une commande d'un Chagall, bon. Par un grand rabbin qui me l'avait commandé. Et il va faire le certificat chez Ida Chagall. Et ce certificat est contesté par Dupin de Maigue. Ida Chagall dit, mais je l'ai vu faire, il y a 40 ans. Dupin dit, il est faux. Et moi, j'étais mort de rire parce que je l'avais fait la veille. Et Ida, elle n'a pas des morts de vue. Elle a dit, non, c'est mon père. Terminé. Voilà. Tout le monde était content. Le marchand était content. Le rabbin était content. C'est très drôle. On revient au rôle essentiel des experts, qui dans certains pays de surcroît sont rétribués. C'est interdit pour les conservateurs en France. Mais il y a d'autres pays où c'est autorisé, ce qui peut entraîner un certain nombre de dévergondages. Oui, c'est un conflit d'intérêts en réalité qui est tout à fait possible et qui donc est prohibé en France. Oui, là, en fait, c'est le point de vue du faussaire. Alors, c'est toujours très intéressant parce que c'est aussi en fait un artiste, le faussaire. Et donc, on l'entend, il le dit avec dépit. Les gens n'achètent pas des œuvres, ils achètent des certificats. C'est un petit peu le dépit de ne pas voir leur œuvre considérée, finalement. Hein, et c'est ce qu'on entend souvent ou ce qu'on a pu lire lorsqu'on arrive à avoir des sources et qu'on a le point de vue du faussaire. Ce qui intéresse, c'est le certificat. Donc là, on est au cœur du marché et de la valeur de l'art. Ce qui est important, c'est l'authenticité. Van Meegeren avait été d'abord un peintre qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Et il s'est revanché, en somme, en faisant croire que les Vermeer, qui étaient les siens, étaient des vrais Vermeer. Il y a une autre émergence au XXe siècle, au XIXe et au XXe siècle, c'est celle des autographes. Alors là, on rentre dans une autre... période de cette histoire des faux et de l'authentique. Le 19e siècle est un moment tout à fait important où la conception de l'authenticité va se resserrer autour de l'autographe. C'est-à-dire que la main, qui commençait déjà, on l'a vu avec l'abbé Dubos, à apparaître comme un élément important de l'auteur, devient tout à fait centrale. C'est autour de l'autographe que on va définir l'authentique. Ce qui va être authentique désormais, c'est ce qui est de la main de la main d'un grand artiste, de la main d'un homme de lettres, de la main d'un philosophe, etc. Et donc, il y a un nouveau marché qui va apparaître, qui est le marché des autographes. Et le terme, d'ailleurs, va se répandre au XIXe siècle. Et ce marché des autographes, en fait, il s'explique de multiples manières. D'abord par cette mutation, donc, de la conception de l'authenticité, mais aussi par le fait que tout à coup arrive sur le marché toute une série d'écrits qui sont liés en fait aux troubles de la période révolutionnaire puis napoléonienne, lorsque des collections sont confisquées puis arrivent sur le marché, des collections des églises, des grands aristocrates, de la famille royale. Et donc, tout à coup, apparaissent sur le marché des correspondances incroyables, voilà, de la famille royale, des hommes de lettres, de Montesquieu, etc., etc. C'est un champ magnifique pour les faussaires. Il y a une affaire fameuse qui remonte au Second Empire. C'est le moment où un très vénérable mathématicien, Michel Chasles, est grugé, vraiment grugé par un remarquable faussaire, Vain Lucas, qui va lui vendre toute une série de lettres, et d'abord des lettres de Pascal, qui démontrent qu'il a inventé, il a découvert la loi de la gravitation universelle avant Newton. Par conséquent, il est patriotique de rappeler cela, lettre évidemment forgée. Dans une émission ancienne d'Alain Decaux, on entend le propos du malheureux Michel Chasles devant l'Académie des sciences. Ce n'est pas sans émotion que je prends aujourd'hui la parole devant cette auguste assemblée. J'ai conscience de réparer une injustice. Depuis près de 2 siècles, l'une des plus importantes découvertes scientifiques de l'histoire des hommes est faussement attribuée à l'Anglais Newton. Et le véritable auteur n'est autre que l'un des plus illustres de nos compatriotes, j'ai nommé Blaise Pascal. La gloire de Newton est usurpée, messieurs. J'offre aujourd'hui à l'Académie 2 lettres et 4 notes de la main de Pascal. Vous y trouverez l'énoncé des principes mêmes dont se glorifiera plus tard Newton. Lisez ces lettres, lisez ces notes. Et vous en userez ainsi que je l'ai fait moi-même. Vous rendrez à Pascal ce qui appartient à Pascal. Moi, je dis que quand on est français, on doit s'enorgueillir de tout ce qui peut contribuer à la gloire de la France. Jusqu'où conduit le patriotisme? Alors, le faussaire ne cesse pas d'abreuver le savant naïf de nouvelles lettres, une qui montre que Galilée a approuvé et félicité Pascal, et qu'il parle de sa mauvaise vue, mais on démontre que, en fait, il voit très bien. Alors, il faut une nouvelle lettre d'un contemporain de Galilée pour montrer que c'est pour des raisons politiques qu'il avait dit qu'il ne voyait plus. Et puis, tout, on ouvre des vannes, puisque désormais, on a, et Michel Chasles le croit toujours, on voit arriver sur sa table, en français, la correspondance d'Héloïse et Abélard, de Charlemagne et Alcuin, de Dagobert et Saint-Éloi, des lettres de Vercingétorix en français, de Sappho, c'était bien, de Cléopâtre, et le clou a été une lettre de César ressuscité adressée à Saint-Pierre. Oui, c'est une histoire aujourd'hui qui nous fait sourire, sinon rire, mais qui montre la crédulité dont vous parliez tout à l'heure, la crédulité de certains experts lorsque, en fait, on trouve des lettres dont on avait toujours rêvé. Voilà. Donc là, le faussaire répond au désir, il répond à l'attente, donc il vient combler ce désir. Et c'est ça, sans doute, un des grands savoir-faire du faussaire, c'est de répondre à cette attente. Alors, c'est le vieux proverbe indien, dites-moi ce qui me fait plaisir et je vous croirai. Sans doute. Alors, je voudrais que nous terminions sur un faussaire éminemment positif, c'est-à-dire Adolfo Kaminski. Il y a actuellement au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris une exposition qui lui est consacrée. Et un petit livre de sa fille Sarah Kaminski vient de raconter ce qu'a été cette vie de faussaire positif. Oui, alors là, je crois qu'on est vraiment en effet dans une autre dimension là du faux et du faussaire, où là, on est vraiment dans une dimension héroïque. On atteint sans doute à une autre dimension. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que Kaminski a été un faussaire, un résistant d'envergure incroyable. Et ce fut aussi un très grand savant, je crois, parce que pour savoir falsifier des papiers comme ça, il fallait un savoir de chimiste. Il a sauvé des milliers d'enfants juifs. Sa modestie disait, d'autres les ont sauvés avec moi. Et il affirmait aussi que s'il dormait une heure de trop, il y aurait des petits enfants qui mourraient de ce fait. Je crois que là, c'est vraiment, comme je le disais, une autre dimension. C'est celle de l'engagement par tous les moyens dans la résistance. Mais est-ce que vous n'approuvez pas, Charlotte Guichard, comme moi, le fait que nous terminions sur une note positive ? Oui, c'est un sujet qui ouvre à toute une série de questions. Et c'est, voilà, terminé par cette figure héroïque, sans doute, c'est un excellent moyen de donner envie à s'intéresser à cette question qui n'est pas seulement, comme je le disais, anecdotique du faux et des faussaires dans l'histoire. Je pense que vous l'avez démontré, Charlotte Guichard. Merci d'être venue à ce micro. Votre livre s'appelle « La griffe du peintre », avec comme sous-titre « La valeur de l'art », 1730-1820, paru au Seuil, cette année même. Je citerai aussi le livre d'Harry Bellet, un remarquable journaliste du Monde, qui s'appelle « Faussaires illustres », Actes Sud, 2018. Et puis un ouvrage auquel tout le monde se réfère, Otto Kurz, en anglais, traduit en français, « Faux et faussaires », Flammarion, 1983. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, les documents sonores, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons des destins des enfants soldats. Et je recevrai Manon Pignot. Et la semaine prochaine, dans le cours de l'histoire, Xavier Mauduit abordera, je tiens à le signaler, l'histoire du pétrole et son importance géopolitique au XXe siècle. Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Domiti de Gavrilov et de Claire Poinsignon, une émission réalisée également précieusement par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Éric Boisset, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Je tiens à remercier aussi la documentation et la bibliothèque de Radio France, leur... appui est toujours très utile. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères. La maison où briller sans se consumer un genre de feu sans fumer. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne devant pas leur ivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, enlevant ses fausses dentelles. Elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur. Ces anges artificiels, venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton, en véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.